L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, mes petits loups. Vous êtes bien avec Stéphane, vous êtes bien comme chaque mardi soir dans votre playlist Rock et New Wave. Vous êtes bien dans l'heure du loup. Ce soir, mardi 2 avril, eh bien, on a eu quelques événements ce week-end. On a eu hier, le 1er avril. Bon, c'était pas vraiment le week-end, vous me direz, mais c'était toujours une journée soit de fantaisie et d'amusement pour certains, puis un peu une journée de merde pour d'autres qui font l'objet des poissons d'avril, justement. Et ce week-end, il y a eu aussi un autre truc un petit peu chiant, et je parle pas seulement de l'arrivée du printemps et des pollens et de la pollution, et bien c'était le changement d'heure. Bref, tout ça, plusieurs raisons pour me mettre de mauvaise humeur pour l'émission de ce soir. Par conséquent, j'ai décidé de vous préparer, histoire de communiquer cette mauvaise humeur avec vous, une playlist de merde, enfin... Pour certains, d'aucuns diraient une playlist encore plus de merde que d'habitude. Et du coup, on commençait pour se mettre un petit peu d'humour primesautière, ces premières journées de printemps, avec un petit peu d'humour débridé et pour donner un petit peu le ton des musiques parodiques qu'on va écouter ce soir. Et bien, c'était une reprise du thème des Simpsons par le groupe punk Green Day. Et je vous parlais du changement d'heure qui nous chamboule un peu ces derniers temps. Bah, justement, c'était aussi un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer, un morceau de la bande originale du film Rocky Horror Picture Show. Tout de suite, Time Warp. It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely, not for very much longer, I've got to keep control. To jump to the left and then a step to the right with your hand on your hip. You bring your knees in tight, then it's a pelvic thrust that really drives you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time. So dreamy, fantasy, free me. So you call. used to jump to the left. And in a step to the right. With your hand on your hip. Waouh! À l'instant, c'était The Rocky Horror Picture Show avec ce titre emblématique, The Time Warp. Le temps déconne en quelque sorte. Je ne sais pas trop comment on peut traduire ce mot bizarre, The Time Warp. C'était donc un des morceaux emblématiques de la bande originale du film The Rocky Horror Picture Show. Et là, c'était un extrait non pas de la bande originale du film, mais. Enfin, les musiques étaient les mêmes, mais c'était l'équipe d'une mise en scène au théâtre, en fait. Enfin, dans un spectacle musical d'origine, à vrai dire. Voilà, chers amis. Ce soir, donc, comme je vous l'avais laissé entendre à l'introduction de cette émission, eh bien, en intromission, j'aime bien dire parfois, pour jouer sur les mots, eh bien, en intromission de cette émission, je vous disais, en intromission de ce programme radio que vous écoutez ce soir, l'heure du loup sur Osmose Radio, eh bien, c'était ce soir, à l'occasion du 1er avril, comme j'ai l'habitude de le faire chaque année d'ailleurs, eh bien, c'est une playlist un petit peu spéciale, une playlist humour de merde, avec des parodies un petit peu improbables, des reprises tout à fait farfelues, et un petit peu de thèmes humoristiques, en tout cas qui m'ont paru comme tels, repris ici et là. Voilà, donc ce qui donne une playlist souvent un peu incongrue et qui peut déconcerter, donc je préfère prévenir d'emblée si vous avez envie de zapper. 3, 2, 1, ils sont toujours là ? Ouais, on continue alors. Eh bien, je me dis que, mes pauvres chéris, vous avez dû être comme le gentil régisseur d'Osmose Radio qui se trémoussait un instant derrière ses consoles, Loïc, qui me fait un gros fuck à l'antenne, là, et puis moi-même, hein, vous avez eu sans doute une journée un petit peu fatigante pour vous, vous étiez dans la gang de la vie professionnelle, et du coup, parfois, vous avez des doutes existentiels, vous dites, est-ce que j'étais fait pour ce job-là ? Dites-vous que vous n'êtes pas les premiers ni les derniers, que ça date pas d'hier, puisqu'il y a quelques dizaines d'années déjà, Nino Ferrer nous chantait un petit peu son blues professionnel dans cette chanson « Je vends des robes ». Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne. Des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des vergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées, ou grosses et décoiffées, de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes, je fais des comptes et des opérations, des des rectifications et puis des livraisons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne. Des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fournils, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vicaires, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des bacilles, des textiles, des nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des contrées, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des sifflets, des soufflets, des canaux, des crapauds. va pour Dactylo Rock? Oui, ouais. Alors attention les gars, 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez les tigri-tigri-tigri Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Peloula, viva Peloula. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les Dactylo Rap, digri-digri-di, Dactylo Rap, digri-digri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Peloula, viva Peloula. Dans tous les bureaux de bras en haut, les Dactylo tapent go go, et leur patron leur dit go go. Ce sont les plus belles filles de Paris. Les Dactylo Rock, digri-digri-di, Dactylo Rock, digri-digri-di. Pour faire leur bouquet, les directeurs battront la tête. Elles valent bien ça, elles valent bien ça. Dans tous les bureaux de bras, on chantera très bientôt le rock des Dactylo. Go! Sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Vous avez les digri-digri-di, Dactylo Rap, digri-digri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Peloula, viva Peloula. Yeah, à l'instant c'était Monsieur Eddy sur Osmose Radio, mes petits loups, avec son groupe Les Chaussettes Noires dans les années 60 qui chantait Dactylo Rock. Et juste avant ça, eh bien c'était un autre morceau un petit peu, enfin d'à peu près de la même période, c'était Nino Ferrer, toujours la période des yéyés, hein, la période de nos parents, voire de nos grands-parents, et qui chantait Je vends des robes, hein, dans une de ses chansons rigolotes dont il avait le secret. Et en fait il est connu que pour ça, alors qu'il a fait aussi d'autres choses, des mignons, des chansons plus mignonnes, plus tendres, et qui rendait hommage à son talent de compositeur. Mais bon, on se souvient surtout de son côté outrancier et des chansons un petit peu grivoises, à l'humour parfois un peu gaulois. Voilà. Et donc dans cette période des années 60, on se souvient surtout du côté un petit peu ringard des yéyés, des trucs qu'écoutaient nos aïeux. Et c'est vrai que des fois c'était bien pourri. Et en même temps, c'est la période où est né Johnny, donc on peut peut-être pas trop condamner vite cette période-là. Ou pas. Enfin bref, c'est vous qui voyez. Et quoi qu'il en soit, eh bien, c'est une période dont on retient beaucoup de trucs de merde, parce qu'ils nous ont été ressassés par les médias mainstream notamment, parce que bah, pour flatter dans le sens du poil cette génération qui correspond à une population assez nombreuse et donc à une audience assez conséquente. Et du coup, voilà, pendant des années, on a eu droit à des compilations sur les années 60, les yéyés, tout ça. Antoine, en veux-tu, en voilà, du Johnny à n'en plus finir. Bref, et au bout d'un moment, ça gave un peu. Et pourtant, il faudrait peut-être pas tout jeter dans ces périodes-là, puisqu'il y a des trucs parfois assez insolites. Par exemple, en faisant des recherches sur YouTube, en fait, je suis tombé sur des chansons de Chantal Goya qui n'étaient pas du tout Bécassine, ma cousine, ou J'ai tué ce matin un lapin, quoi. Dans les années 60, elle a fait des trucs assez sympas qui ont été repris plus tard par April March, d'ailleurs, cette chanteuse américaine. Par ailleurs, eh bien, si on se donne la peine de chercher, on trouve des trucs dans la scène française de l'époque qui étaient assez insolites, de l'humour un petit peu coquin, un petit peu décalé, etc. Donc je vous invite, en plus des morceaux que je vous ai déjà passés dans les playlists 1er avril précédentes, qu'évidemment vous pouvez retrouver dans les rubriques podcast du site osmose-radio.fr, eh bien je vous invite à chercher par vous-même et à faire de jolies découvertes comme j'en ai fait moi-même. Mais bon, des fois, comme je vous disais, c'est bien pourri. Et puisqu'on fait beaucoup de blagues sur les blondes, eh bien justement, je vais faire d'une pierre deux coups un truc un peu pourri des années 60 et en même temps un truc qui se moque gentiment ou pas des blondes un peu nunuches. Tout de suite, on écoute Monique Tuber. Ton orchestre, qu'il est chouette. Qui a dit qu'on peut pas imiter les Anglais? Oh dis donc, tu balances drôlement pour ton âge. Yes. un gimmick formidable. Oh, terrible! J'en ai jamais vu de pareil. Si j'avais ton disque, tu sais ce que j'en ferais? Je le casserais pour en avoir un autre. Tiens, t'es comme moi. Tu joues avec ton corps, tes hanches, ta bouche. Oh, du tonnerre! En somme, il n'y a qu'avec les oreilles que tu fais rien. Je me promenais dans mon petit quartier à la recherche du conte de fées. Je me baladais au cœur du marché à la recherche d'une dulcinée. Je me suis approché de la boulangère. J'aimerais préciser qu'elle était belle, belle. Montrez-moi vos miches, madame, je vous paierai très cher pour les goûter. Et je vous invite à dîner. Je n'ai pas tout de suite compris, peut-être qu'elle a mal compris. J'ai demandé du pain et elle m'a offert un pain dans la gueule. Je me promenais dans mon petit quartier à la recherche du conte de fées. Je me baladais au cœur du marché à la recherche d'une dulcinée. Je me suis approché des marchandes de fruits de mer. J'aimerais préciser qu'elles étaient belles, belles. Montrez-moi vos moules, mesdames, j'aimerais les renifler pour vérifier si elles sont fraîches. Je n'ai pas tout de suite compris, peut-être qu'elles ont mal compris. J'ai demandé des moules, mais elles m'ont offert un pain dans les boules. Personne, non, personne ne m'a épousé au cours de cette virée au marché. Personne, non, personne ne m'a jamais aimé depuis le jour où je suis né. Je n'emploie pas la bonne méthode avec ces femmes qui me snobent. J'ai décidé de changer, je suis retourné voir la boulangère. Montre-moi tes miches, salope, je ne parle pas de ton pain, mais de tes fesses de pute. Fais-moi l'amour, putain. Montre-moi ton sexe, connasse. Fais-moi une pipe, bouffiasse. Tu sais, si je t'insulte, c'est parce que je veux baiser. Montre-moi tes miches, salope, je ne parle pas de ton pain, mais de tes fesses de pute. Fais-moi l'amour, putain. Là, elle ne m'a pas frappé. J'étais embarrassé. Et elle s'est approchée. Et elle m'a embrassé. Voilà, on remercie Citroën d'être venu chanter avec nous. Non, c'est Renault. Ah oui, comme la voiture. Yes, c'est ça. C'est chier. Ah putain. Amis de la poésie, bonsoir. Vous êtes bien sûr Osmose Radio, où les coachs en séduction, à l'instant, Andrea et Nicolas, vous donnent des conseils pour ne pas rester seul au printemps, ni même peut-être cet été. À l'instant, donc, vous l'aurez compris, Andrea et Nicolas, ce duo donc, de musiciens qui viennent du métal, notamment il y avait Foetus d'Ultra Vomit. Et tiens, Ultra Vomit qui sera en concert à Montpellier bientôt d'ailleurs, je vous en reparlerai, un de ces quatre. Et ouais, Ultra Vomit et donc un de ses comparses qui ont créé Andrea et Nicolas. Et sur l'album Super chanson, ils chantonnaient donc à l'instant cette petite ritournelle où la poésie le dispute au romantisme, bien entendu, comme vous venez de vous en apercevoir par vous-même. Et c'était enchaîné juste avant avec une chanson des années 60 d'une obscure chanteuse sur laquelle j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations, Monique Tuber, avec le titre Avec les oreilles. Et ce petit rire à la fin de ses gimmicks, à la fin de ses refrains, elle le faisait trop trop bien, quoi. J'ai pas réussi à savoir si c'était une chanson parodique, si c'est elle qui faisait la nunuche et qui l'imitait super bien, faut croire, ou si elle était vraiment comme ça. Là, vraiment, je ne saurais pas vous dire. Donc, si on savait un peu plus, n'hésitez pas à venir éclairer ma lanterne sur facebook.com/ l'heure du loup tout attaché. Oh oui, tout attaché. Excusez-moi. Et donc, on va continuer sur Osmose Radio dans cette playlist humour de merde ce soir, puisque aujourd'hui on est le 2 avril. Hier, c'était donc les poissons d'avril, et je n'allais certainement pas zapper le mien dans l'heure du loup ce soir. Et on va continuer, puisqu'on était dans la période poète et amour et romantisme, tout ça. Et bien, on va continuer avec un groupe de glam rock que je vous ai passé il y a quelques émissions de ça. Il s'agit de Alleycat Scratch, qui a eu son heure de gloire dans les années 80-90. Et qui, dans la chanson qui va suivre, nous propose une chanson, le thème de la romance, mais vu sous un autre angle, en fait vu par derrière. Puisque la chanson qu'on va écouter tout de suite s'appelle Fuck Her Up in the Ass, entre guillemets, Love Song. Voilà, donc mets-la lui dans le cul, chanson d'amour. One, two, three, four, fuck until her booty's sore. Now get the fuck out. Yeah, take your ass home, honey. Bam, bitch. Votre premier batteur, c'était John Stumpy Pips. Génial, génial. Grand blond, avec des lunettes. Un look d'enfer, ouais, un bon batteur. Super bon batteur. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Ouais. Il est mort. Il est mort dans un bizarre accident de jardinage il y a quelques années. Ça fait partie de ces trucs qui arrivent. Les flics, ils ont dit comme ça, cherchez pas à comprendre. Ouais, valait mieux laisser. Vaut mieux pas. Et il a été remplacé par Stumpy Joe. Eric Stumpy Joe. Charles. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Stumpy Joe? Oh, c'est pas une histoire très marrante. Non. Mais il est mort. Ouais, il est mort, étouffé. Enfin, la version officielle, c'est qu'il avait été étouffé par du vomi. Il est mort comme c'était, ça. C'était pas son vomi à lui. Ah, c'est horrible. Tu vois, il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas pu savoir de qui était le vomi. À Scotland Yard, ils ont pas le matériel pour relever ses empreintes. On peut pas vraiment évident, relever des empreintes de vomi. Ok, aujourd'hui on va faire un générique de série pourrie avec l'autre con là. Touche pas à ça, je te dis. Du heavy metal vulgaire et bas du front, ça te va? Moi j'aurais vu un truc un peu plus éthéré. Ça lui va. On va commencer par la batterie, mais j'en ai pas. Alors j'ai tapé batterie sur internet, et j'ai trouvé ça. Tirons ensuite les accords dans la chaussette des accords magiques. Bon, alors... La mineur 7, do majeur... Bon, on va faire la, do, fa, sol. Ok, ça c'était la basse. Je dis ça pour les abrutis qui savent pas reconnaître une basse. C'est facile, il y a des grosses cordes. Ensuite c'est la guitare. Faut que ça bastonne. Le mieux c'est de mettre sa main environ par là, quoi. Bon, c'était pas mal, mais on va la doubler. Parce que la guitare, c'est comme les couilles. Il en faut deux. Celle de droite et celle de gauche. Bon, t'as écrit des paroles au moins ? Un peu, j'ai gratté. Bon allez, on se bagne. Ninja Impact. Ninja Impact. Y'a pas que moi qui me suis pas foulé, hein. Est-ce que les voix, c'est comme les couilles aussi? C'est pire que les couilles, il en faut plein. Ninja Impact contre les robots mutants. Ninja Impact, magie, voyage dans le temps. Ok, maintenant, laisse faire papa. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse avec l'autre branleur. Viens là, toi! Bon, il est content, au moins? À l'instant, vous comprenez, donc vous avez compris que c'était pas si compliqué que ça de faire de la musique, comme c'était expliqué par Usul et ses collègues dans cet épisode de l'époque où ils faisaient l'émission 3615 sur jeuxvideo.com. Juste avant ça, on avait droit à un petit extrait des vicissitudes de la vie de rockstar, hein, avec ce petit extrait du film The Spinal Tap, où on pouvait voir que, comme toutes les rockstars, eh bien, comme beaucoup de rockstars en tout cas, il arrivait qu'on meure parfois étouffé par son vomi, mais le problème, eh bien, c'était quand on était étouffé par un vomi qui n'était pas le sien, hein, mais bon, c'est par son propre vomi en quelque sorte, encore que ça fasse bizarre de mettre propre et vomi dans la même phrase. Et enfin, avant ça, bien entendu, on avait un autre hommage à la bienséance dans cette émission, puisque c'était un titre d'Alecat Scratch avec le titre Love Song, Fuck Her Up in the Ass. Voilà, donc une magnifique chanson sur la sodomie, ce qui vous rassurera peut-être, hein, quand vous, vu que vous allez bientôt devoir soit remplir à nouveau une déclaration d'impôts, soit à recevoir celle qui aura automatiquement été établie pour vous. Voilà, c'est aussi le charme du printemps, en tout cas en France. Chers amis, on va continuer dans cette playlist parodique du 2 avril, donc 24 heures après le 1er avril, je crains des gains, je continue, et donc avec mes poissons d'avril musicaux, et on va continuer alors avec une anecdote que vous aurez peut-être un peu oubliée entre-temps, les choses vont tellement vite et les buzz plus encore, mais il y a quelques temps, c'était le chanteur Damien 16 qui avait fait un petit peu l'événement qui avait fait un petit peu parler de lui, en tout cas, en nous disant que tout ce qu'il y avait comme musique dans les médias mainstream, c'était de la merde, et que heureusement qu'il était là pour nous apporter un petit peu de musique de qualité.

L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en. À l'instant, une reprise d'un groupe que mon gentil régisseur d'Osmose Radio, Loïc, aime particulièrement avec ce titre. Le groupe Kiss avec ce titre, I Was Made For Loving You. Et donc, comme je m'étais dit qu'il aimait bien ce morceau-là, non, en fait, il le déteste et j'ai ramené ce morceau juste pour le faire chier, pour ne rien vous cacher, mes petits loups. Et du coup, je vous ai ramené une reprise du groupe Silentium. Alors, j'en parlerai en détail dans deux minutes. Et juste avant ça, c'était enchaîné avec Coluche, vous l'aurez reconnu, bien évidemment. Et son titre, Misère, Misère. Et c'était donc pour faire écho aux propos de Damien XVI il y a quelques mois, hein, puisqu'on a des rebelles en carton et à l'époque, on avait des rebelles qui faisaient de gros papiers, en l'occurrence. Voilà. Et Silentium, alors pour vous en dire un petit peu plus, en fait c'est un groupe même pas parodique là par contre, enfin disons que les filles de Silentium sont drôles mais elles ne le font pas exprès, je m'explique. C'est un groupe de reprise en fait, elles jouent du violon électrique et donc des synthés et donc elles... A priori, elles marchent bien en Russie, dont elles sont originaires. Elles sont super bonasses, hein. Elles sont très très jolies. Dans les clips, elles jouent beaucoup là-dessus, c'est super bien produit et elles font des reprises au violon de titres de pop, de rock, etc. Mais le truc, c'est qu'elles sont... Ça se veut sexy, ça se veut glamour, et en fait, c'est juste grotesque, ridicule et pompier, quoi. Et du coup, je vous mettrai quelques liens sur le Facebook si vous voulez vous faire une idée par vous-même. Mais du coup, je m'étais dit que comme ce soir, j'allais passer forcément des reprises improbables, eh bien, je vous ai amené un petit extrait. J'ai pas eu le cœur de vous passer tout en entier, sinon mon gentil technicien allait vouloir me décapiter. Mais du coup, voilà, je m'étais dit que j'allais vous passer un petit peu ça aussi. Voilà. Ce soir, je vais faire une petite innovation en ce sens que je ne suis pas un habitué de la critique littéraire. Ça, c'est plutôt le rayon de ma collègue Laurence qui fait ça très bien. Mais je tenais vraiment quand même ce soir où je vous parle de trucs de merde, de sortir un petit peu du sujet, de vous parler de littérature. À propos donc d'un livre de merde dont je vais vous parler tout de suite. Alors, si vous avez été cinéphile dans les années 80-90, vous vous souvenez peut-être de Steven Seagal. Rien à voir avec la bestiole qui chante tout l'été dans nos contrées pendant les chauds au mois d'été. Mais Steven Seagal, cet acteur de films d'action américain, qui, pour vous donner une idée de son jeu d'acteur, quand il haussait le sourcil, c'est qu'il était très énervé. Voilà, donc le mec, il se prenait pour Brando, mais en fait, il avait autant de charisme. Qu'une chiffre molle, il avait même moins de charisme que Jean-Claude Van Damme, pour vous dire. Et du coup, cet homme-là a illuminé le cinéma d'action de ces années-là, illuminé en quelque sorte. Disons que ses parodies chez Mosinor sont plus drôles que lui, quoi. Et du coup, cet homme-là, on le connaît aussi par d'autres facettes de son talent, si j'ose dire. Il a fait un show de télé-réalité aux États-Unis, il joue du blues, et là, par contre, les connaisseurs disent qu'il s'en sort pas trop mal. Je veux bien les croire, n'ayant pas vérifié moi-même. Et il a aussi écrit un bouquin que j'ai découvert grâce grâce aux garçons, aux gens du site Nanarland. Et je vais vous lire tout simplement en fait, le récit, en tout cas le compte-rendu qu'ils ont fait de ce bouquin-là. C'est non sans surprise que nous avons appris que Steven Seagal avait écrit un roman intitulé « The Way of the Shadow Wolves », donc la voie des loups de l'ombre, sorti en toute discrétion en octobre 2017. Après les arts martiaux, le cinéma et la musique blues, le saumon agile, comme on appelle parfois Steven Seagal, avait donc décidé d'ajouter encore une corde à son arc. Il fallait que nous nous penchions sur le sujet. Sous-titre « The Deep State and the Hijacking of America », donc l'état profond et la prise en otage de l'Amérique, hein, en quelque sorte. L'ouvrage insiste lourdement dans sa préface et sa quatrième de couverture sur le fait qu'il s'agit d'un roman à clé de lecture. Foin de divertissement décérébré, ici le lecteur va apprendre des vérités cachées et ouvrir les yeux sur la marche du monde, du moins telle que Steven Seagal la voit. Autant dire qu'on n'a pas été déçu du voyage. Le pitch. Barack Obama s'est allié au cartel de la drogue mexicain pour faire entrer clandestinement aux États-Unis des centaines de djihadistes de l'État islamique dans le but de commettre des attentats et d'y instaurer le califat. Voilà. Mais un homme se dresse sur la route du complot. Ta-ta-ta, John God. Alors, attention, dans la version originale, c'est écrit G-O-D-E. Le héros s'appelle vraiment comme ça. John God, un agent d'origine Mohawk de la police tribale surveillant la zone frontalière en Arizona. John God est membre de la confrérie des « Shadow Wolves », entre guillemets, les loups de l'ombre, héritiers des traditions indiennes ancestrales et possédant à ce titre des pouvoirs mystiques divers et variés, se révélant lorsque les besoins de l'action l'exigent. On ne va pas se plaindre, ce genre de folie furieuse est exactement ce pourquoi on était enclin à lire la prose de Steven Seagal, mais ce voyage dans la psyché de cet acteur arrive quand même à surprendre le lecteur innocent à chaque détour. Comme le vantent la couverture et la préface est écrite par Joe Arpaio, ancien shérif de l'Arizona condamné en 2017 par une cour fédérale pour ses violations répétées des droits de l'homme. Son nom n'est pas inconnu des fans hardcore de Steven Seagal, lors d'une opération de police pendant le tournage de la troisième saison de son show de télé-réalité Steven Seagal au service de la loi, c'est Joe Arpaio qui avait mis Steven Seagal aux commandes d'un espèce de tank et suite à une fausse manœuvre, Panda Bouffi, comme on l'appelle parfois, avait défoncé un mur et détruit un poulailler causant la mort d'une centaine de volatile et d'un chien. Le délire complotiste infuse le livre grâce à cette préface et à la prose de Steven Seagal. Le délire complotiste infuse le livre et guide l'action à chaque pas. Dans le désert de l'Arizona, John God, encore une fois, affronte pêle-mêle des djihadistes de Daesh, des commandos iraniens, des agents renégats du gouvernement, donc le fameux Deep State, les hélicoptères noirs du FBI et tout ça, et des sicarios des cartels. Entre deux bastons et interrogatoires menés en dépit du bon sens, il nous inflige ses convictions sur au choix la véritable religion d'Obama, les politiciens qui sont tous vendus au cartel de la drogue et le politiquement correct qui est une menace pour le monde aussi grave que le djihadisme international. Dans l'un de ses passages les plus brins de zinc, on nous explique que John God, par exemple, peut compter sur l'aide discrète du Mexique, car grâce à l'immigration, les Mexicains possèdent maintenant la moitié des États-Unis et ont donc tout intérêt à stopper les terroristes djihadistes. Voilà, donc ce genre de calcul tordu fait partie de l'intrigue du bouquin, c'est un petit peu son canevas, et c'est tout à fait dans le délire des complotistes qu'on peut trouver sur Internet. Au-delà du fond, c'est écrit avec les pieds. John God est un surhomme parfait en tout, les seconds rôles ont autant d'épaisseur que le papier à cigarette du cowboy Marlboro, les méchants sont des caricatures ricanantes même pas dignes d'un mauvais James Bond, et les tripes, Gut en anglais, de John God ont presque autant de lignes de dialogue que lui et plutôt plus de caractère. Représentant son intuition sans faille, elles sont surtout un procédé bien commode pour combler les trous dans l'intrigue. C'est l'organe le plus expressif de la littérature depuis le nez de Cyrano et la teub de Christian Grey. S'il y a une symbolique assez transparente en anglais, le patronyme de John God est par contre une source inépuisable d'hilarité pour le lecteur français qui se demande constamment où donc God est niché et si les méchants vont l'avoir dans le cul. John God maîtrise aussi, évidemment, les arts martiaux, dont une technique pour rendre son visage totalement inexpressif qui nous fait porter un regard nouveau sur le jeu d'acteur de Steven. Pour résumer, on a affaire là à un petit livre méchant, médiocre et paranoïaque qui nous rappelle, s'il en était besoin, qu'une fois les caméras éteintes, Steven Seagal n'est pas une personne très sympathique. On ne compte plus les récits traumatisés de réalisateurs ayant travaillé avec lui, ni les accusations de harcèlement sexuel à son encontre. On ne peut pas vraiment le recommander à quiconque, à moins que vous ayez envie de faire un cadeau pourri lors de la fête des mères, mais on a tout de même bien rigolé au long de ces 236 pages. Quand même, 236 pages, il a réussi à rédiger ce garçon. Voilà, donc je remercie remercierai jamais assez les gens de Nanarland d'avoir porté ce chef-d'œuvre littéraire à ma connaissance. Et évidemment, je vous mettrai le lien pour lire l'article et voir quelques illustrations sur le Facebook de L'Heure du Loup. Voilà, chers amis, comme on parlait d'un personnage enclin à la vacuité à l'instant, eh bien, je vous propose là encore une parodie, mais là, un personnage vide, non seulement de bon sens, mais de caractère, mais qui malheureusement nous concerne un petit peu plus directement, celui-là. Quand on sort le texte du contexte, quand on sort le mot du discours, on peut tout faire dire. La voix off est polémique. C'est là, maintenant. Il s'agit d'un trucage. Française, Français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Et je veux vous le dire d'emblée. Il n'y a plus d'espoir. Les plus fragiles ne bénéficieront d'aucune indulgence. Le seul projet, c'est de blesser certains d'entre vous, lâchement. C'est donc désormais la violence, le désordre et l'anarchie qui doivent régner. Nous y mettrons tous les moyens. J'ai donné en ce sens aux policiers les instructions les plus rigoureuses. Mais cette détresse, elle peut être notre chance. Ce mal-vivre qui est le nôtre, je le veux pour la France. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs, malaise. Malaise des territoires, malaise. Malaise démocratique, malaise, malaise, malaise, malaise face au changement de notre société. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Le malaise, je le veux pour la France. Un malaise jamais exploré, pour nous-mêmes et pour le monde. Je le veux pour nous tous, Français. Pour cela, nous devons avant toute chose assumer tous ensemble cette détresse. Vous y aurez votre part. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Le malaise d'un travailleur au SMIC augmentera dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une déprime de fin d'année à leurs employés. Et cette déprime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux services publics dans tous nos territoires, pour bâtir le socle inadmissible de notre nouveau contrat pour la nation. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement. Vous le voyez, on aura des craintes, des violences, des colères. Nous sommes à la tâche et je reviendrai déprimé devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est l'anarchie. Mon seul combat, c'est cette détresse. C'est pour vous. Notre seule bataille, c'est le malaise pour la France. C'est là. Maintenant. Vive la République. Vive la France. La voix off est polémique. Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un truc. Car c'est notre projet. À l'instant, en tout cas, c'était un beau projet, une belle parodie des propos de Macron, tiré de ses divers, un montage tiré de ses divers discours et qui traduisait finalement un petit peu sa pensée profonde, en quelque sorte, telle qu'on ne peut la ressentir dans notre cul ou ailleurs depuis quelques temps. Voilà, chers amis, ce soir, c'était la playlist parodique de L'Heure du Loup, comme chaque année à l'occasion du 1er avril. Et ce soir, vous n'y aurez pas échappé avec ses chansons à l'humour de merde, ses reprises improbables et ses parodies nombreuses et variées. Et voilà, et comme ben là, on a parlé un petit peu d'un perso de thème un petit peu tristouné, dont il vaut mieux rire finalement pour ne pas pleurer, eh bien, je tenais quand même à nous quitter, comme à notre habitude, à faire en sorte qu'on quitte l'émission, on termine l'émission avec un petit peu d'espoir et dans un style un petit peu particulier. Et là, ce soir, eh bien, on va se quitter, puisque c'est le printemps, avec une chanson d'amour, et une chanson d'amour, évidemment, gentiment parodique, par Jean-Yann, pour revenir aux années 60, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, mes petits loups, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne soirée sur Osmose Radio et on se quitte avec Si tu t'en irais. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde,